Chapitre 5e, Déclaration de guerre. Lord Henry Braddock, gouverneur général de l'Hindoustan, au colonel Barclay, résident, attaché à la personne d'Holkar, prince des Marathes, à Bhagabapur, sur la Nerbuda, Calcutta, 11 janvier 1857. On m'informe de divers côtés qu'il se prépare quelque chose contre nous, qu'on a surpris des signes mystérieux échangés entre les indigènes à Lucknow, à Patna, à Bénarès, à Delhi, chez les Rajputs et jusque chez les Sikhs. Si quelque révolte venait à éclater et à gagner les pays des Marathes, l'Inde entière serait en feu dans l'espace de 3 semaines. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Vous aurez donc soin, aussitôt la présente reçue, d'obliger, sous un prétexte quelconque, Holkar à désarmer ses forteresses et à remettre dans nos mains ses canons, ses fusils, ses munitions et son trésor. Par là, il sera hors d'état de nuire, et son trésor nous servira d'otage dans le cas où, malgré nos précautions, il voudrait faire quelques tentatives désespérées. Justement, les coffres de la compagnie sont vides, et ce renfort d'argent viendrait fort à propos. S'il refuse, c'est parce qu'il a de mauvais desseins, et dans ce cas, il ne doit mériter aucun pardon. Vous irez prendre aussitôt le commandement des 13e, 15e et 31e régiments d'infanterie européenne que Sir William Maxwell, gouverneur de Bombay, mettra sous vos ordres avec 4 ou 5 régiments de cavalerie indigène et d'infanterie Sipaï. Vous ferez le siège de Bhagavapur et quelques conditions que vous demande Holkar, vous ne le recevrez qu'à discrétion. Le meilleur serait qu'il périt dans l'assaut, comme Tipu Sahib, car la Compagnie des Indes n'a que trop de ses vassaux indociles, et nous serions délivrés de l'ennui de faire une pension à des gens qui nous détesteront jusqu'à la fin des siècles. Au reste, je m'en rapporte à votre prudence, mais hâtez-vous, car on commence à craindre une explosion, et il faut aider d'avance aux insurgés, s'il doit y avoir insurrection, leurs chefs et leurs armes. Braddock, gouverneur général. Le colonel Barclay, résident anglais au prince Holkar, Bhagavapur, 18 janvier 1857. Le sous-signé se fait un devoir de prévenir son Altesse le prince Holkar, qu'il est venu à sa connaissance que le dit prince a fait donner 50 coups de bâton à son premier ministre Rao, sans qu'aucune action, connue du sous-signé, ait pu valoir un traitement aussi cruel. Le sous-signé doit aussi prévenir son Altesse qu'à plusieurs reprises, des charrettes pesamment chargées sont entrés pendant la nuit dans la forteresse de Bhagavapur et qu'à travers divers indices sur lesquels il ne croit pas nécessaire de s'expliquer, il a cru reconnaître des amas d'armes, de vivres et de munitions, ce qui est contraire au traité et ne peut qu'exciter les justes soupçons de la très haute et très puissante Compagnie des Indes. En conséquence, et après avoir pris les ordres du gouverneur général, le sous-signé, sans vouloir dépouiller le prince Holkar, d'une autorité contre laquelle s'élève cependant tout le pays, le sous-signé, dis-je, veut bien, pour cette fois, fermer l'oreille à des rapports peut-être trop fidèles, et pour offrir au prince Holkar une éclatante occasion de se justifier, se contentera aujourd'hui de demander à son Altesse qu'elle remette ses armes, ses canons, ses fusils et son trésor particulier aux mains du sous-signé, qui les enverra à Calcutta, où le gouverneur général gardera le tout provisoirement, jusqu'à ce qu'il ait acquis la preuve certaine de l'innocence de Holkar. En outre, le dit prince Holkar est invité à remettre aux mains du sous-signé sa fille unique Sita, qui sera conduite à Calcutta avec une suite nombreuse et qui recevra tous les honneurs dus à son rang. Moyennant quoi, son Altesse conservera éternellement la bienveillante protection de la très haute et très puissante Compagnie des Indes, colonel Barclay. Le prince Holkar au colonel Barclay, résident. Le sous-signé se fait un devoir d'inviter le colonel Barclay à sortir immédiatement de Bhagavapur s'il ne veut avoir la tête coupée avant 24 heures par ordre du sous-signé. Le colonel Barclay à Lord Henry Braddock, gouverneur général. Mylord, j'ai l'honneur d'envoyer à votre seigneurie une copie de la lettre que, suivant vos instructions, j'ai adressée au prince Holkar et de la réponse du dit Holkar. Je pars à l'instant même pour Bombay, où je vais, conformément aux ordres de votre seigneurie, prendre le commandement du corps d'armée, qui doit réduire Holkar à la raison. Agrée, Mylord, etc. Colonel Barclay. Or, 6 semaines environ après que les lettres qu'on vient de lire eurent été échangées entre le seigneur Holkar, le colonel Barclay et Lord Henry Braddock, Holkar était assis, tout pensif, sur un tapis de Perse, au sommet de la plus haute tour de son palais que baigne la Ner Bouddha, et regardait mélancoliquement la haute cime des monts Vindhya, contemporains de Brahma. À côté de lui se tenait sa fille unique, la belle Sita, qui cherchait à lire dans les yeux de son père toutes ses pensées. Holkar était un noble vieillard, de pure race hindoue, et le descendant de ces princes marathes qui ont disputé la possession de l'Inde aux Anglais. Par une exception assez rare, ses aïeux avaient échappé à la conquête des Persans et des Moghols et gardaient derrière leur montagne la foi de Brahma. Holkar lui-même se vantait de descendre en droite ligne du célèbre Rama, le plus illustre des anciens héros et le vainqueur de Ravana. C'est en l'honneur de cette glorieuse origine qu'il avait donné à sa fille le nom de Sita. Il avait autrefois combattu les Anglais. Son père avait été tué dans la bataille et lui, bien jeune encore, avait gardé son héritage à condition de payer tribut. Pendant 30 ans, il avait espéré se venger un jour, mais sa barbe avait blanchi, ses deux fils étaient morts sans postérité et il ne songeait plus qu'à vivre en paix et à laisser sa principauté à sa fille unique, la belle Sita. Il était environ 5 heures du soir. On n'entendait aucun bruit dans Bhagavapur, la capitale d'Holkar. Les sentinelles veillaient à leur poste, les yeux fixés sur l'horizon. Les soldats, accroupis sur leurs talons, jouaient aux échecs sans dire un mot. Quelques officiers à cheval, armés de longs cimeters, parcouraient les rues éveillés au maintien de l'ordre. Sur leur passage, tout le monde s'inclinait en silence. Une tristesse mortelle semblait avoir envahi Bhagavapur. Holkar lui-même était abattu. Il croyait voir la tempête. Il savait depuis longtemps que les Anglais voulaient le dépouiller, et il se désespérait en songeant à l'avenir de sa fille. Résigné pour lui-même à la volonté de Brahma, prêt à rentrer dans le grand être et à retrouver la substance éternelle, il ne pouvait se résoudre à laisser Sita sans appui. « Que la volonté de Brahma s'accomplisse, » dit-il enfin, en répondant à sa pensée intérieure. « Mon père, » dit la belle Sita, « à quoi songez-vous ? » On cherchera vainement, entre le cap Camorin et les monts Himalaya, une jeune fille plus charmante que Sita. Elle était droite comme un palmier, et ses yeux étaient comme la fleur du lotus. De plus, elle avait 15 ans à peine, ce qui est dans l'Inde l'âge de la suprême beauté. « Je pense, » dit Holkar, « que maudit est le jour où je t'ai vu naître, toi, la joie de mes yeux et mon dernier amour sur la terre, puisque je vais mourir en te laissant en main de ces barbares roux. » « Mais, » dit Sita, « n'avez-vous aucun espoir de vaincre ? Et quand j'aurai cet espoir, crois-tu que je pourrai le donner à mes soldats ? La seule vue de ces hommes impurs qui dévorent la vache sacrée et qui se repaissent de viande crue et de sang épouvante nos brahmines. Ah, pourquoi ne suis-je pas mort avec mon dernier fils ? Je n'aurais vu la ruine de tout ce qui m'est cher. Vous m'oubliez, » dit Sita en se levant et en tournant de ses bras le cou du vieillard. « Je ne t'oublie pas, ma chère fille, mais je crains tout pour toi, et pour tes frères, je ne craignais que la mort. J'ai reçu aujourd'hui la nouvelle que le colonel Barclay s'avance dans la vallée de la Nébourda avec une armée. Il est à 7 lieues d'ici, c'est-à-dire 2 jours de marche, car cette race pesante traîne avec elle tant d'animaux, de fourrages, de chariots, de canons et de munitions de toute espèce, qu'elle ne fait jamais plus de 2 ou 3 lieues par jour. Malheureusement, je n'ose leur livrer bataille le long de la rivière, n'étant pas assez sûr de mon armée. Je soupçonne ce misérable Rao de vouloir me trahir. Si j'en ai la preuve, le misérable me paiera cher sa trahison. Mais, continua-t-il, en regardant avec une longue vue l'horizon, que signifie ce steamer que j'aperçois au détour de la rivière ? Serait-ce déjà l'avant-garde de Barclay ?